Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, dans cette 89e leçon, Tassir wa Samanin, nous entrons dans Kitab al-Qur'an wa Ulumi. Kitab al-Qur'an wa Ulumi. C'est-à-dire le livre qui touche au Qur'an et à ses sciences. Non, déjà, je m'excuse par avance pour le bruit de fond qu'il y a derrière. Pendant ces quelques doros, il y aura un certain bruit de fond qui sera un peu dérangeant, mais bon. Nartaj ila hal. Ce ne sera pas tout le temps, mais c'est quelques doros pour la prochaine, Inch'Allah, ce bruit de fond d'ailleurs sera présent. Taïb. Donc, on a fini, bifadillahi ta'ala, kitab Sira, natrou le lion, fi kitab al-Qur'an wa ulumi. Il va poser différentes questions relatives au sujet du Qur'an, qui touche au Qur'an, certaines qui touchent au tafsir, et d'autres qui touchent même au tajwid, mais celle-ci on ne le passera, car le tajwid, ça c'est une science qui est, comme on dit, qui a besoin d'études et d'applications. Et des simples doulous comme ça, ça ne suffit pas. Donc on passera ce chapitre par la suite. Faqala, hafiz Allah ta'ala, fi su'al, athani wa salathin ba'd sittamia. 632e question. Hal al-Qur'an makhlouq? Est-ce que le Qur'an est créé? Et le jawab, la, bal wa kalamullah. Il est la parole d'Allah qui était descendue, qui n'a pas été créée. Et la parole cela, c'est Qulu Ta'ala. Ouin ahadu min al-mushrikin istajaraka fajiru hatta yasma'a kalam Allah. Que si l'un des mushrikin te demande ce que tu accordes refuge, alors abrite-le afin qu'il entende la parole d'Allah. C'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah. Kazalik fi kulli 'azza wa jal yuridun an yubaddilu kalam Allah. Ils veulent changer la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah incréée et elle est un attribut. Le Coran est un attribut. Thumma qala fi su'al arabi' wa 30 bar 600. 634e question. Man hiya al-firqa allati atharat fitna khalq al-Quran? Qui est la secte qui a provoqué la fitna, le trouble justement qui touche à la création du Coran? Ceux qui disent que le Coran est créé. Ce sont les Mu'tazila. Ce sont les Mu'tazila, une secte égarée parmi les sectes les grandes sectes principales des fondements innovateurs dans la religion. ثم قال في سؤال الخامس وثلاثين بعد ستمية 635e question. من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن وأذي بذلك؟ Qui est le savant qui a refusé justement de se plier à dire cette parole-là et qui fut châtié? On va dire qu'il fut torturé pour cela. Car à l'époque, le gouverneur forçait les gens à dire cette croyance que le Coran est créé. Et malheureusement, il mettait des pressions et des menaces, des dures menaces, de mort, de torture, Redalika. Ce qui fait que l'ensemble des ulama se sont vus dans la contrainte de devoir soit faire des allusions qui amènent à faire croire ce que le gouverneur voulait entendre, ou d'autres qui l'ont clairement dit. Mais sans le penser, sans le croire, comme étant des mukrahoun, sous la contrainte. Et le seul, ou plutôt l'un des seuls, ayant fait face à cela avec bravoure, et qui a été éprouvé pour cela, c'est connu, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui a été fouetté, torturé, du fait qu'il n'a pas voulu se plier. Et un autre également qui s'appelait Mohamed ibn Nour, et lui qui est mort en sortant de prison. طيب ثم قال في السؤال السابع وثلاثين بعد ستمية 637e question. من هم أهل الله وخاصته؟ Qui sont les gens d'Allah et ces gens tout particuliers? Ils sont أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا. Ce sont les gens du Coran, ceux qui l'appliquent en ce bas monde. Comme dans le hadith de سمعان الكلابي أو كلابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدموا سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Il dit صلى الله عليه وسلم رواه مسلم qu'on apportera le Coran le jour de la résurrection ainsi que ces gens. Et qui étaient-ils? C'est ceux qui appliquaient ce Coran. Et ils seront devancés par la surat al-Baqarah, surat al-Imran, qui le défendront, d'ailleurs en sa faveur. Maintenant, les gens diront comment, pourquoi, on dit dans l'au-delà, on ne sait pas, c'est comment, le comment, on ne le connaît pas. Le hadith, il est clair, on y croit. Comment viendront surat al-Baqarah, surat al-Imran? D'accord? Elles viendront et elles intercéderont pour celui qu'ils ont connu par cœur, qu'ils ont récité. Et bien évidemment, comme il le dit clairement, ceux qui ont appliqué, ça c'est un point qui est très important. Car le fait de mémoriser le Coran entier, même avec itqan, de façon minutieuse et précise, ne suffit pas pour qu'on dise que tu es quelqu'un des gens du Coran. Car il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur et qui le contredisent matin et soir. Matin et soir, malheureusement. Donc là, la condition, c'est d'être de ceux qui le connaissent et ceux qui l'appliquent. Car le Coran est descendu pour cela, pour être appliqué, non pas pour être récité, avoir des belles voix et faire le tajwid, faqat, mais surtout pour être appliqué. C'est là qu'est la réussite de la Ummah en cette dunya. Appliquer le Coran. Un qui ne connaît pas beaucoup le Coran, mais qui le lit et qui applique ce qu'il lit, est meilleur que celui qui connaît le Coran par cœur avec toutes ses récitations, Rezalika, et qui ne l'applique pas. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قال قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Il dit صلى الله عليه وسلم que Allah il a des gens qui sont particuliers. Et il lui fut dit qui sont-ils au message d'Allah? Il dit les gens du Coran, ce sont les gens d'Allah, ces gens particuliers. رواه أحمد. ثم قال في السؤال الثامن وثلاثين بعد ستمية 638 question. كيف نزل القرآن؟ Comment est-ce que le Coran est descendu؟ قال نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا حسب الحوادث على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة. Il dit que le Coran est descendu en une seule fois, c'est-à-dire depuis les louhs al-mahfouz. Voyez, la table préservée, il est descendu à ce qu'on appelle Beit al-Izzah, qui se trouve dans les cieux de la dunya. En une seule fois, il est descendu. Et puis, par la suite, il fut descendu sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par étape, par échelon, en fonction des événements. D'accord? Et cela sur une période de 23 ans. Le Coran a mis 23 ans avant de descendre sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, entièrement, complètement. Et ça, c'est un affaire de Ibn Abbas qui le dit. Qui dit que, justement, le Coran a été mis dans Beit al-Izzah, dans les cieux de la dunya, et que Jibril, alayhi salam, le faisait descendre sur le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, en lui apprenant. Et ce affaire de Ibn Abbas a été rapporté par Nasa'i et authentifié par l'Albani. Rahimahullah ta'ala. Mais cette parole n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle d'Ibn Abbas. Donc les ulama disent Ibn Abbas, une parole comme ça, elle a un hukm de marfou, elle a un jugement d'une parole du prophète, car c'est des choses que Ibn Abbas ne peut pas savoir. Les choses de l'invisible ne peuvent pas l'inventer. Donc ils disent qu'il a forcément entendu d'une source sûre. Donc ils l'ont accepté. Et d'autres, non. Par exemple, j'ai lu une parole de Cheikh Mohammed Ibn Al-Saymin, qui lui doutait de ce athar. D'accord? Il doutait de ce athar, de sa chaîne de narration. Donc il n'y a pas eu unanimité, et il a dit ce genre d'information doit nous provenir d'un hadith authentique provenant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'on n'a pas. D'accord? Et aussi, tambih, admettons que ce affaire soit authentique, cela ne veut pas dire que Jibril a fait descendre des Beit al-Izzah jusqu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, Jibril a entendu le Coran d'Allah azawajal, puis il a fait descendre sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'empêche pas que le Coran était lui-même présent dans Beit al-Izzah, se basant sur ce affaire. Wallahu ta'ala alam. قال في السؤال التاسع وثلاثين بعد ستمية 639 question. في أي ليلة نزل القرآن؟ Dans quelle nuit le Coran fut-il descendu؟ Et ça c'est connu, c'est ليلة القدر, dans le mois de Ramadan, la nuit du destin. كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons fait descendre lors de la nuit du destin, dans la même sourate qui porte le même nom. وقال تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan, celui durant lequel est descendu le Coran. Surat al-Baqarah, verset 185. Mais ça descend pendant en une nuit. Ce n'était pas pour l'apprendre. Ce n'était pas pour l'apprendre, car comme on l'expliquait, il est descendu sur le Nabi Sansalem en 23 ans. Qala, fi sawal al-arba'in wa al-sittimiyya, ma wa awwalu ma nazzala min al-Qur'an, qui est la première sourate qui fut révélée dans le Coran. Et il s'agit des 5 premiers versets de Surat al-Alaq, l'adhérence. comme dans le hadith de Aïcha, où elle parle justement du début de la révélation. Lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se dévouait à l'adoration dans la grotte de Hira, il est venu et c'est là que la prophétie a commencé. Il lui a dit Ikra, il a dit récite, il dit je ne suis pas de ceux qui lisent. Donc là, Jibril l'a attrapé, l'a serré fort. Après, il l'a relâché. Il lui a dit lis, il a dit je ne sais pas lire. Ma'ana biqari, fa'akhadhani wa rattani. Afania, il a encore attrapé et serré deuxième fois. Troisième fois pareil. Et là, Jibril s'est mis à réciter les cinq premiers versets de Surat Ikra. Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqa l'insana min 'alaq. Yani, akala. Les cinq premiers versets seulement. Et pas toute la surat. Et le hadith, il est mutafaqun alayhi. Naam. Akala. Fa allazi radna nakhudh al-yawm. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Walhamdulillah.